إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لقد مررنا في الجمعة السابقة في وصف أحوال أولئك الغرباء الذين يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى عند فساد الناس فمررنا على هذا الحديث عن أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال إني والله لقد سألت عنها خبيرها سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب لكل ذي رأي برأي فعليك يعني بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم قالوا يا نبي الله منا أو منهم قال بل منكم وعن ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى هما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمرو فقمت إليه فقلت كيف أفعل حينئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح فالنجاة الزم بيتك يعني إلا أن يخرجك ما يجب أن تخرج إليه أو ما يندب أن تخرج إليه إلا أن يخرجك سعي إلى الجمعة والجماعات والأعياد إلا أن يخرجك سعي على الرزق تحصله حلالا لتطعم من ورائك وتطعم نفسك إلا أن يخرجك عيادة مريض أو صلة رحم أو ما أشبه من ألوان المعروف مما يجب أو يندب وإلا فالزم بيتك وكما قال بعض السلف عندما سئل فقال إنما هو زمان إلزم مكانك وأخفه، أخفي مكانك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، فلا يخرجنك ما وجب أو ندب إليه إلا ما أوجبه عليك الشرع أو ندب إليه. وأما تكون خراجا ولاجا فهذا أمر لا يؤدي إلى النجاة بحال. الذين يتسكعون في الطرقات والذين يلزمون الجدران، الذين يخبتون على غير هدى، الذين يقتلون أوقاتهم ورؤوس أعمارهم على مذابح الفراغ، أولئك لا يحسنون صنعا وإنما يسعون في الأرض فسادا، والله رب العالمين لا يرضى أن يبدد العبد رأس ماله وهو مسؤول عنه. سيسأل عن عمره جملة ويسأل عن شبابه خاصة، يسأل عن المال سؤالان كما يسأل عن العمر سؤالان، يسأل عن عمره في جملته ويسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. إذا كان هذا بنسبة الرجال فكيف النساء؟ والمرأة خراجة ولاجة تخبت في الأسواق وتذر المفاتن كما سيأتي في وصف نساء آخر الزمان. وإلى الله المشتكى: أيتها الأمة المرحومة، ليس أدب شأنك فارجعي، إنما شأنك أن تلزم الجادة وأن تكون على قدمي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو بكر رضوان الله عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذه على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيره ثم لا يغيره إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. فاللهم سلم وأرحم وأنت أرحم الراحمين. ففي هذا الزمان صارت المعاصي شائعة ذائعة، لا تجد ناهيا ولا تجد بالمعروف آمرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر، وللمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، وهذا كالذي مر فاعقله وفقه، وفقك الله لكل خير. وعند الشيخان في صحيحيهما برواية أنس رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. وهذا من علائم نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل فيما يكون من أشراط الساعة من علامتها الصغرى وما هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يبقى الرويبضات يتكلمون في دين الله رب العالمين خبطا بغير علم، ضلوا وأضلوا. أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن العينين تزنيان، وأن الأذنين تزنيان، وأن اللسان يزني، وأن اليدين تزنيان، وأن الرجلين تزنيان، وأن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يفشو الزنا مما يستوجب الحد ومما لا يستوجبه، ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال. وظاهر الحديث أنهم يذهبون بأعيانهم بمعنى أنه يكثر عدد المواليد من الإناث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. على أن الحديث يحتمل قبل هذا مرحلة تسبقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال. الرجال الذين هم رجال، وأما الرجال الذين هم ذكور فشيء آخر. ويذهب الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فإذا صار الرجل خنث مشكلة، لا هو إلى الرجل ولا هو إلى المرأة، ولا هو إلى الذكر ولا هو إلى الأنثى، وهو ما قال عنه الجنس الثالث، لأنه ليس برجل ولا بامرأة ولا بذكر ولا بأنثى. إذا ما ظهر ذلك وعم فهذا مقدمة بين ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مؤملات رؤوسهم كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم صل وسلم على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج أحمد وابن ماجة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. فاللهم صل وسلم على الصادق المصدوق: ليستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. نعم، يطلقون عليها الأسماء التي لا تنطبق على حقيقتها، كفعل الشيطان الرجيم. فإن الشيطان قال لآدم مزينا له الذي هو في معصية الله رب العالمين: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكل من سمى القبيح باسم حسن فهو شيطاني النحلة والسبيل، وسنته سنة الشيطان الرجيم، إذ يقول لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى هذا الأمر الذي هو معصية لله رب العالمين بالاسم الحسن. فكذلك شيطاني النحلة، إبليسي الطريق، من سمى القبيح باسم حسن ليغر الناس وليضلهم. وأخرج أحمد والطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ والحديث حديث صحيح عن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بارك الله فيك، سي بوفي رابروشي ان شاء الله، جزاكم الله خير ولسي لا بلاص. واخرج احمد والطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ والحديث حديث صحيح عن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستة: امراة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم، وهو أمر واقع في جملته. بادروا بالأعمال خصال ستة: امرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرة الهرج، والهرج القتل، حتى لا يدري الرجل إذا قتل لما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، وإنما هو إراقة الدماء وسفحها. واستخفاف بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم فصار كتاب الله مهجورا وإن رتلوه آناء الليل وأطراف النهار لا تحسبن أن الوقوف عند حدود إقامة حروف القرآن ينجيك عند الله رب العالمين من المؤاخذة وألا تكون قد اتخذت القرآن مهجورا. تلاوة القرآن إقامة حروفه ومعرفة معانيه بالتدبر فيه وفقه ثم العمل بما فيه والوقوف عند حدوده وعدم التجاوز ما نهى عنه والانزجار بزواجره والاتعاظ بمواعظه والنظر في قصصه من أجل استجلاء العبرة من الأمم السالفات المكذبات كله توحيد. فليس القصد منه أن يرتله النشو المخضوعون يغنون ويظنون أنهم يحسنون صنعا ولا يعملون بحرف فيه إلا من رحمه الله رب العالمين. وأخرج أحمد والحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة لا يحسن في الحياة شيئا إلا أن يخبط في دين الله بغير علم يصف الطريق ويعبده بزعمه للسالكين إلى الجنة وإنما يعابده للسالكين إلى النار. علماء السوء الذين قعدوا على الباب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويسدون الناس على الجنة بأعمالهم. فبادروا بالأعمال الصالحات عباد الله. وقد يقول قائل هذه السورة قادمة فما المخرج؟ الله المستعان عليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أو vous qui avez cru craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah et ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah car Allah les fera oublier de faire le dhikr et de se rappeler d'Allah. Et parmi l'un des châtiments qu'Allah Azza wa Jal peut infliger à un individu, c'est le fait de lui faire oublier ses péchés. Le fait de lui faire oublier ses péchés. Et ceci est un châtiment d'Allah Azza wa Jal. Car Allah sait ce que contient les cœurs. Et si le cœur d'un individu veut le bien et la vérité, Allah le guidera. Mais si le cœur de cet individu ne veut pas suivre la vérité, mais veut suivre ses passions, ou devient arrogant lorsque la vérité se présente à lui, Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Car le fait que l'individu ne se rappelle pas de ses péchés, il ne se repentira pas. Nous avons vu vendredi dernier l'explication du verset par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ô vous qui croyez, dans la traduction du sens du verset, ô vous qui croyez, vous êtes responsables de vous-même. Et nous avons bien détaillé le fait que cela ne signifie pas que nous arrêtons d'ordonner le bien et interdisons le blâmable. Non. Mais vous devez ordonner le bien et vous devez interdire le blâmable. Car cela fait partie des attributs du croyant. Et n'est pas guidé et n'est pas sur la voie droite tout individu qui refuse d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Vous pouvez tromper n'importe qui, mais Allah, vous ne le tromperez pas. Car vous pouvez être passé devant les gens comme une personne de gentille, calme, toujours souriant, qui ne dit jamais rien. Lorsqu'il voit des choses mauvaises ou interdites, il ne parle pas, il ne dit rien. Cet individu, ce genre d'individu, n'est pas sur la voie droite et n'est pas guidé. Car l'attribut du croyant est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Bien sûr, cela demande de la sagesse. Et qui dit sagesse demande du savoir. Dans le hadith authentique, rapporté par Ahmed ibn Majah et Abu Daoud et An-Nasa'i, selon Ibn Amr, ce qu'il a dit. Alors que nous étions assis chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionna alors les troubles qui se dérouleront en disant « Si vous voyez les gens ne pas tenir leurs promesses et leurs pactes et qu'ils ne respectent plus le dépôt, les trouver dans un état déplorable. » Ibn Amr se leva et dit « Que devrais-je faire alors quand cela arrivera au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Il répondit « Tiens-toi à rester chez toi, retiens ta langue et prends ce que tu connais et délaisse ce que tu trouves détestable. » Et sois responsable de ta personne et délaisse les gens et leur masse. Le fait d'être sauvegardé de ces troubles et de s'en tenir à rester chez soi et que tu ne sortes que pour la prière en groupe et les sermons du vendredi ou visiter un malade ou sortir travailler dans le licite afin de nourrir sa famille ainsi que de se nourrir soi-même ou de visiter la famille. Sinon, tiens-toi chez toi et ne sois pas de ceux qui tiennent les murs ou les cafés en essayant de faire passer leur temps dans rien, car ceux-là sont en réalité en train de semer la corruption sur terre, en se mettant dans la rue, et en regardant les passants et les femmes passer, ou en parlant sur de choses qui ne leur seront en rien bénéfiques auprès d'Allah Azzawajal, ou en s'asseyant dans des endroits où l'alcool est servi. Alors tiens-toi chez toi, et retiens ta langue, et remets-toi en question. Car l'homme sera questionné sur son temps en général, et sur sa jeunesse en particulier, dans quoi il l'a passé, et il sera aussi questionné dans son argent, d'où il l'a eu, et où il l'a dépensé. Si cela est chez les hommes, qu'en est-il alors de la femme qui ne souhaite que sortir et semer les troubles dans les rues en se mélangeant les hommes et en étant habillée mais nue? Il a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah qu'Abu Bakr radiallahu anhu a dit « Ô vous les gens, vous lisez ce verset mais vous ne lui donnez pas sa signification correcte. Vous êtes responsable de vous-même. Nous avons entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Si les gens voient un oppresseur, un injuste, mais ne l'empêchent pas de connaître ce mal, il se peut qu'Allah les couvre tous d'un châtiment. Et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un peuple dans lequel des désobéissances à Allah azza wa jal sont faites, alors que des gens peuvent interdire et changer ce peuple, mais ils ne le font pas, alors il se peut qu'Allah les couvre tous d'un châtiment. Nous demandons à Allah azza wa jal, le Très-Haut, d'avoir miséricorde sur nous, de nous raffermir dans sa religion et qu'il nous guide tous sur la voie prophétique. Dans ces temps-ci, les troubles ne cessent d'augmenter et rare est de trouver celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Selon At-Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Après vous arrivera les temps de la patience. » Et pour ceux qui s'accrochent à leur religion, recevront la récompense de 50 martyrs parmi vous. Parmi vous, yani, parmi vous, mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ses compagnons. Dans les temps de patience, comme nous l'avons bien détaillé la semaine passée, celui qui s'accroche à sa religion, pendant que les personnes sont en train de s'égarer, pendant que la masse est en train de suivre ses passions, tout le monde fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Il suit la masse. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin, comme dans la traduction du sens du verset. Eh bien, lorsque les gens verront ce genre de trouble, celui qui s'accroche à sa religion est comparable à celui qui met une braise dans le creux de sa main. On ne met pas la braise et on reste à l'agiter pour éviter d'être touché de son mal. Non, il patiente sur sa religion, il met la braise dans le creux de sa main et il serre fort. Ça va être douloureux, ça va faire très mal. Il patiente et il se met à agir et à faire des actes d'adoration légiférés que les gens ont délaissé de crainte de leur position, de crainte de ne pas trouver un travail, de crainte de perdre leur argent, de crainte pour leur propre vie, eh bien celui qui s'accroche à sa religion dans ces temps de troubles est comparable à celui qui met une braise dans le creux de sa main. Il patiente sur sa religion en restant sur la vérité, sur la voie prophétique, en ne suivant pas les gens de la masse, en ordonnant le bien, interdisant le blâmable, et en appliquant les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Délaissé, celui-là, s'il est sincère dans ce qu'il est fait, sincère envers Allah azza wa jal, recevra la récompense de 50 parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant l'acte précis. 50. Donc nous avons expliqué la semaine dernière dans le détail. Parmi les signes de la fin des temps, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans leur sahih, selon Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin des temps est que la science, le savoir sera enlevé, élevé. Élevé, yani, les gens ne rechercheront plus le ilm, ne rechercheront plus le savoir. Ils suivront la masse. Ils ne savent pas. Ils vont faire les fatwas de leur poche. Où ils vont voir des prédicateurs aux portes de l'enfer pour leur faciliter un islam à la carte. Parmi les signes de la fin des temps, la science, le savoir sera enlevé et l'ignorance apparaîtra. La fornication sera répandue, le vin sera consommé et les hommes diminueront. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les hommes diminueront, ce qui est apparent dans le hadith, dans la narration, c'est que le nombre de filles, de naissance de filles augmentera, tandis que celui des garçons diminuera. Mais il y a quelque chose aussi qui devance cela. Le fait, lorsqu'on parle, les hommes diminueront. Les hommes, ceux qui sont des hommes, et non les hommes, ceux qui sont masculins. Les hommes, ceux qui sont des hommes, ceux-là diminueront. Car on peut trouver dans la société aujourd'hui, même des gens qui ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Ce qu'ils appellent le troisième sexe. Ils ne savent plus. Tu es jeune, tu peux devenir... Tu es jeune, tu es un homme, tu peux devenir une femme plus tard. Tu es jeune, tu es une femme, tu peux devenir un homme plus tard. Ça fait partie des signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où si cela devient répandu. Si cela devient répandu, c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Subhanallah. Où est-ce que les hommes diminuent et le nombre de femmes augmente. Où le nombre de personnes masculines augmente, n'étant pas des hommes. Rapporté par Muslim selon Abi Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas vus. Deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas vus. Des gens qui ont des fouets avec des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Certains mashayikhs ont expliqué en disant que il y avait une période que c'était répandu que la police avait ce genre de fouets. Et Allah est le plus savant. Et des femmes habillées mais nues qui font pencher les gens et elles-mêmes penchent. C'est-à-dire, elles penchent vers la désobéissance et font pencher les gens vers la désobéissance également. Habillés mais nus, leurs têtes sont comme des bosses de chameaux penchés. C'est-à-dire en fait, le sens est qu'elles grossissent leur tête avec leurs cheveux. Elles se mettent à grossissent leur tête avec leurs cheveux. Ou soit qu'elles se rajoutent des cheveux. L'imam Ahmed et Ibn Majah ont rapporté d'après Ubayda ibn Samit, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a une minorité de ma communauté qui vont rendre licite la consommation de vin. Et ils vont la dénommer d'un autre nom. Ils vont lui donner une autre appellation afin de rendre licite la consommation de vin. Et ceci, c'est la tradition du shaitan. C'est la voie du shaitan. Toute personne, tout individu qui rend licite une chose qui est illicite en lui changeant son nom ou en le rendant, soi-disant, plus attirant. Celui-ci, sachez que c'est un diable. Et sa sunna, sa tradition, c'est la sunna du diable. Car il ne fait cela que pour égarer les gens. L'imam Ahmed, rahimahullah, et Tabarani, ainsi que l'imam al-Bukhari, ont rapporté ce hadith donc qui est authentique, selon Abis al-Rifari, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes de la fin des temps, il y aura six choses. Il y aura ceux qui gouverneront les gens, ceux-là ce sont des gens mauvais, des corrompus, des gens mauvais qui gouverneront les gens. Et il y aura une augmentation des forces de l'ordre, de la sécurité, les indicateurs, la police. Il y en aura une augmentation de ceux, parce que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait une augmentation de ceux qui vont travailler en tant que force de l'ordre, leur nombre va augmenter. Et les gens vont rompre leurs liens de parenté. Mais aussi, ils vont vendre le jugement. avec les pots de vin, où ils vont utiliser les pots de vin histoire d'avoir ce qu'ils veulent. Et ils vont voir le sang comme étant quelque chose de léger et non plus quelque chose de sacré. Et il y aura des gens qui vont prendre le Coran comme de la musique, comme un instrument de musique. Et ils vont avancer celui qui va leur guider dans leur prière, celui qui aura la voix qui va leur faire une chanson en récitant le Coran. Il n'est ni celui qui a le plus de savoir, ni celui qui connaît le mieux le fiqh, mais ils vont juste l'avancer pour qu'il leur chante le Coran. Et le fait que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura parmi les signes de la fin des temps le sang qui deviendra léger », comme dans un autre hadith qui est authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est le fait qu'il va y avoir le meurtre parmi les fins des temps, le meurtre, les assassinats qui vont augmenter. Jusqu'à ce que l'individu qui tue une autre personne ne sait pas pourquoi il l'a tué. » C'est ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours. Observez ces chiens de l'enfer, où qu'ils se trouvent sur terre, ces khawarij, qui tuent les gens, qui les assassinent, jusqu'à que eux, ils ne savent même pas en fait pourquoi ils tuent. C'est juste pour le sang qui est devenu léger. Et l'individu qui se fait tuer ne sait pas pourquoi il a été tué. Comme il s'est passé sur Paris, avec ce khariji, cet égaré, qui fait partie des chiens de l'enfer, qui est sorti à tuer une passante et a voulu faire exploser une église. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Et la personne qui a été tuée, elle ne sait pas pourquoi elle a été tuée. Ceci fait partie des signes de la fin des temps. Ceci fait partie des signes de la fin des temps. Le fait que le meurtre augmente. Et voyez tous ces égarés de jeunes qui suivent leur voie. Au lieu de s'asseoir et de prendre le helm, de comprendre leur religion et de l'appliquer. Non, ils suivent leur passion. Et ils pensent que cela est le style du gangster. Ça donne bien une bonne image du gangster. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Car personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Et toutes les voies sont bloquées. Toutes les voies du paradis sont bloquées. Excepté celle qui est derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ne tuez pas les gens comme ça. Il n'y avait pas de meurtre comme cela. Malgré que les mécréants faisaient du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par quoi il a répondu? Par la sagesse et la patience. Et Allah azza wa jal lui a donné la victoire. Allah azza wa jal lui a donné la victoire. Mais tous ces gens-là sont en train de suivre une de ces petites voies sur laquelle il y a un shaitan qui est dessus, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque le Coran est récité, lorsqu'une personne s'avance pour diriger la prière, ce n'est pas le fait de lire le Coran en faisant la meilleure des voies et en croyant que nous avons le droit de ne pas agir dessus. Le Coran n'a pas été révélé ni pour être accroché sur les murs, ni pour être cantonné comme cela. Mais le Coran a été révélé à l'humanité pour qu'ils lisent, ils méditent dessus. Ils appliquent les ordres d'Allah, s'écartent des interdits, interdit le blâmable et ordonnent le convenable. Et observent aussi et méditent sur les histoires de ceux qui les ont précédés, ceux qui ont refusé d'unifier Allah Azza wa Jal dans leur adoration. Eh bien, regardez ce qui leur est arrivé. Ceux qui ont refusé de suivre les prophètes et messagers, regardez ce qui leur est arrivé. Afin de voir ce qui leur est arrivé, afin de nous, de ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et dans ces dangers-là, qui est le polythéisme, l'associationnisme, tout le Coran est sur le pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal. Mais rares sont ceux qui méditent dessus, excepté ceux qu'Allah Azza wa Jal a miséricorde sur lui. Enfin, l'imam Ahmed a rapporté, ainsi que Al-Hakim dans le Mustadrak, par la narration de Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera un temps sur les gens, hein? Ce sont les années qui vont tromper les gens. Les années qui tromperont les gens. Ou est-ce que le menteur, on le croira? On croira le menteur. Celui qui ment, on le croira. Et celui qui est honnête et sincère, on dira que c'est un menteur. Et celui, donc, yani celui où est-ce que si on lui dépose un dépôt, une amana, on est sûr qu'il la gardera, hein? On lui fera, yani on lui déposera plus rien. Parce que ce qu'il y a, c'est que les gens se mettront à le tromper. Cette personne-là, qui est sincère, qui est correcte, les gens le tromperont lui. Mais ils déposeront leur dépôt à celui qui trompe les gens et qui triche. Et parlera, qui c'est qui se mettra à parler? Les compagnons du prophète, ils disent, oh messager d'Allah, Qui est Ruwaybida? Il a dit, c'est l'individu qui ne connaît rien de la religion d'Allah Azza wa Jalla, qui va parler dans des choses des gens. Son but, c'est quoi? C'est de se faire passer pour un savant, ou ceux qui se disent savants, et qui se mettent sur la porte du paradis, en invitant les gens de par leurs paroles. Mais leur action, eh bien, les fera se diriger vers l'enfer. Leur action les fera diriger vers l'enfer. Donc, comme je disais la semaine dernière, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui fait une conférence dans un endroit, automatiquement, c'est un savant. Et maintenant, de nos jours, a augmenté le nombre de personnes qui viennent et qui utilisent sa logique et sa philosophie, loin de la révélation d'Allah Azza wa Jal, loin des textes authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le ilm, la science légiférée, c'est Allah dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent, c'est cela. Ce n'est pas « je pense » ou « je vois selon la condition comment je vais réagir ». Ce n'est pas comme ça. D'accord ? Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur la voie prophétique. Car une personne peut se demander, mais ce sont des choses qui arrivent. Tout ce qu'on a cité parmi les hadiths, ce sont des choses qui se déroulent aujourd'hui. L'issue, c'est de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, d'implorer son secours et d'être sincère envers Allah Azza wa Jal. D'étudier la religion afin de connaître Allah Azza wa Jal. Le plus on connaîtra Allah Azza wa Jal, le mieux on le craindra. Incha'Allah. Allahumma ahdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa barik lana fi ma a'tayt. Tabarak rabbana wa ta'alayt. Allahumma atina fi dunya hasana. Wa fi al-akhirati hasana. Wa qina azab al-nar. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله